défend. Et salut, c'est I Hate Music, émission punk, 100% DIY. Et voilà, on commence avec la première émission de cette année 2026, déjà complètement forte en actualité. On en parlera après. En tout cas, cette émission, on va passer les petits derniers de 2025. On a eu des belles surprises en fin d'année. On va faire une petite spéciale avec des groupes du Venezuela. Puis on parlera un petit peu après de la situation actuelle et des groupes passés et actuels. Et on se fera une petite escapade électronique à la fin. On commence tout d'abord avec un des disques de la fin de l'année 2025 qui est sorti direct en haut de mon top 10. Obligé, c'est évidemment le groupe Unidad Ideológica. Voilà, toujours avec la pêche connue des guitaristes d'Amérique latine. Voilà, le groupe nous vient de Bogota. Ils nous ont sorti un nouveau LP qui s'appelle Choque Asimétrico. Il est sorti sur la Vela Esumu. Et voilà, toujours du hardcore efficace qui vous laisse pas le temps ni de respirer ni de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour notre plus grand plaisir. On va s'écouter deux titres, Absoluta Falsedad et Choque Asimétrico, Unidad Ideológica. Ensuite, la petite révélation de l'année, un groupe que je connaissais déjà mais que j'avais un peu oublié. J'en ai peut-être passé des morceaux à l'émission, en tout cas je les ai redécouverts lors d'un festival à Barcelone à la fin de l'année. Je parle de The Weeknd, excellent groupe hardcore d'Austin. C'est pareil, ça laisse pas le temps de respirer, vraiment efficace. Ils n'avaient pas joué, vous avez rien sorti depuis 10 ans et ils reviennent, ils ont fait une tournée en Europe vraiment excellente. Et on va le constater avec le Phase 4 qui est sorti donc à la fin de l'année sur Duncan Sailor Record. Voilà, on va s'écouter donc l'excellent titre Crucifixion Weekends. Et ensuite, on reviendra avec une petite surprise et je nomme le groupe Radioactivity, excellent groupe qui nous a rien sorti aussi depuis un moment et qui nous reviennent avec ce LP Time Won't Bring Me Down, c'est sorti sur Dotnap Records. Je remercie Luc au passage de l'avoir mis dans son top 10 et qui m'a permis du coup de pouvoir découvrir qu'ils avaient sorti ce nouvel album. Merci Luc, je te fais un bisou. Et voilà, donc toujours aussi catchy qu'à son habitude, je vous laisse en juger avec deux titres, Watch Me Bleed et Why Radioactivity. On commence d'abord avec Unidad Ideológica, Absoluta Falsedad et Choque Asimétrico. Vámonos! Observa. Yeah. Yes, yes, yes, c'était catchy avec Radioactivity, Watch Me Bleed et le titre Why. Juste avant, on s'est écouté The Weeknd avec Crucifixion et encore avant, on s'est écouté Unidad Ideológica avec Absoluta Falsedad et Choque Asimétrico. On continue cette playlist avec encore des choses excellentes qui sont sorties en 2025, mais pas seulement. On va du côté de Harlem, en Pays-Bas avec le groupe Rubber. Voilà, vous connaissez la clique de Traumatizer qui font des concerts, qui font plein de groupes, qui font des illustrations et plein de choses hyper cool. Voilà, vous avez aimé l'énergie de ces petits kids. Et bien, ils reviennent donc avec ce groupe Rubber qui nous ont sorti un 2-track démo cette année. Et donc, et voilà, toujours dans la veine de ce qu'ils font, on mélange les cartes et on sort deux titres, Dog Eat Dog et No Mercy Rubber. Ensuite, on va du côté du País Vasco avec Kiracha, excellent groupe que j'ai eu le plaisir de voir en concert aussi l'année dernière. Voilà, ça laisse pas de hasard, c'est du 10 bits. Ils nous ont sorti un Giza Ustelkeria en 2024, c'était sorti sur DIY Contre-Attaque. On va s'écouter l'excellent titre Venen. Ensuite, on va du côté de l'Indonésie, et oui, toujours aussi international cette émission, avec SVFR, excellent groupe, on dirait vraiment la vibes de hardcore d'Amérique latine, c'est vraiment excellent. Ils nous ont sorti, donc je crois que c'est une cassette same title, c'était sorti en 2024 sur Pogo Till You Drop et Criminal Youth Records. Voilà, c'est vraiment excellent, on va s'écouter le titre Binasa. Et le groupe nous vient de Makassar en Indonésie, SVFR. Et on commence d'abord avec Rubber, Dog Eat Dog, No Mercy. Let's go! Baby, who makes it go? See what's in, I'll be dug in the floor. c'était trop bien et efficace. SVFR Binasa d'Indonésie. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes qui viennent d'Asie, principalement d'Indonésie d'ailleurs, qui sortent des groupes comme ça. Et j'en passe pas assez, du coup j'essaierai de creuser un petit peu plus parce que des fois c'est un peu le manque de temps aussi qui ne me permet pas d'aller chercher toutes les sources de ce côté-là. Donc j'essaie de le faire, promis. Ensuite, encore avant, on a écouté Kidacha Veneno, voilà, excellent groupe du Pays Basque, encore avant, Rubber, Dog Eat Dog et No Mercy. Et voilà, on continue cette playlist avec une spéciale Venezuela. Bon, bien sûr, vous avez suivi l'actualité et vous avez vu que le président américain a décidé d'aller bombarder Caracas et faire environ une centaine de morts civiles pour aller kidnapper Maduro, le dictateur du Venezuela. Voilà, donc c'est une bonne chose qu'il ne soit plus à la tête de ce pays, puisque la plupart des groupes qu'on va passer sont déjà partis depuis longtemps de ce pays, comme la plupart en fait des jeunes. Et énormément de gens du Venezuela qui sont partis en exil forcé, parce que là-bas la situation n'était pas tenable, la pauvreté est vraiment énorme, les gens ne peuvent plus s'acheter à manger ou vivre normalement en fait. Là, ils n'ont pas de droit, il y a des arrestations, il y a quand même vraiment beaucoup de problèmes. Tout ce qu'on peut imaginer d'une dictature, de la propagande, ainsi de suite. Donc voilà, il y a quand même vraiment, je pense même plus que la moitié du pays qui est déjà parti en fait. Donc voilà, une grosse partie habite en Colombie d'ailleurs, on en parlera après. Et donc voilà, donc oui, les Vénézuéliens sont contents que Maduro soit parti et ils ont fait la fête. Mais c'est quand même un gros coup d'état de la part de Trump et du gouvernement américain, qui n'a pas le droit de s'autoriser en tout cas à aller enlever un chef d'état dictateur dans un autre pays sans demander à son gouvernement ni aux autres nations avec qui ils ont des contrats pour se protéger ou attaquer, ou voilà, qui garantit normalement une paix mondiale. On voit qu'il est un peu compromis à cause de cette action. De plus, voilà, ça déstabilise complètement la paix en Amérique latine, et M. Trump a décidé de dire que, eh bien, en fait, il pouvait déjà s'approprier les réserves en pétrole du Venezuela, ce qui était à peu près la seule chose qui avait l'air de l'intéresser. Mais qu'en plus, il commence à menacer aussi d'autres pays d'Amérique latine, et puis en fait d'autres pays tout court. Force en tout cas à nos amis d'Amérique latine. Donc on va se faire deux tiercés avec donc cette première partie avec des groupes exclusivement anarcho-punk. Voilà, sachant que ça c'était des groupes qui habitaient toujours à Caracas, ça date du début des années 2000, où ces gens n'étaient pas encore exilés. Ils sont depuis tous partis habiter dans d'autres pays, certains je les connais personnellement, et j'ai même organisé des concerts pour eux parce qu'ils ont fait des tournées il y a assez longtemps. Et voilà, toutes les paroles sont contre le pouvoir, contre le capitalisme, parce que eux, ils savent depuis longtemps à quel point ça a détruit leur vie et leur pays, le fait que des riches viennent s'approprier des ressources et fassent du commerce avec leur pays, avec leur terrain, avec leur économie, etc. Voilà, je vais pas faire un cours de géopolitique, mais bon, on va s'écouter en premier le groupe Analcolepsia. C'est un groupe excellent, un groupe mixte, qui a sorti quand même pas mal de choses et qui est un des groupes le plus connus de Venezuela. Il nous avait sorti un split avec le groupe Cervos de Nai. C'était sorti en 2009 sur Les Nains aussi, Deviance Records pour l'Europe et donc la France. Hein, on peut constater que les Français, ils ont quand même pas mal aidé les Vénézuéliens à sortir des disques. Et un label qui s'appelle Muerte al Silencio. Donc le groupe nous venait de Caracas. On va s'écouter trois titres très parlants et très politisés. Podridad Crianza, Sin Nombre y Aquí No Hay Revolución. Anarcolepsia. Ensuite, on va s'écouter l'excellent groupe Los Dolores. Peut-être un des plus connus parce qu'ils ont pas mal tourné. Les gars ont habité à Barcelone pendant des années. Moi, personnellement, j'ai organisé deux concerts pour eux sur deux tournées différentes. Donc, dans les eaux à peu près de la sortie de ce LP, Las Venas Abiertas de Latinoamérica, qui est sorti en 2005 sur Descontento Records. C'était le label du chanteur du groupe. Voilà, le groupe nous venait de Caracas, ils habitaient encore à peu près là, au début en tout cas de la formation du groupe. On va s'écouter un excellent titre, Los Fantasmas de la Riqueza Muerta, Los Dolores. Ensuite, on va continuer avec un groupe toujours anarcho-punk, et c'est le groupe Apatiano. Pareil, un groupe qui a sorti quand même pas mal de choses. On va s'écouter deux titres tirés de El Ruido de Antes contra Los Opresiones de Siempre. C'est sorti sur No sé qué Records. Alerta Antifascista, le label allemand, et Scared Releases, le label américain. Donc voilà, ils nous venaient aussi de Caracas avant de tous partir chacun dans leur côté. On va s'écouter des titres excellents, Contratic Capitalismo et Naciones Podridas, Apatiano. On commence d'abord avec Anarcolepsia, Podrida Crianza, Sin Nombre, Aquí No Hay Revolución. Voilà, si vous pouvez traduire les titres au moins, vous comprendrez assez rapidement de quoi ça parle et que les problèmes au Venezuela datent déjà depuis longtemps. Voilà, Anarcolepsia. Vámonos. Ay, yo soy feliz, soy ¡Suscríbete al canal! humanidad amparaba al indio. La explotación de su realidad lo desagrava. Yes, yes, on va s'écouter deux titres de Apatiano, Contra ti, Capitalismo et Naciones Podridas. On va s'écouter Los Dólares, Los Fantasmas de la Riqueza Muerta. Encore, on va s'écouter Anarcolepsia, Por ir a crianza, Sin Nombre et Aquí no hay revolución. Voilà, c'était le premier tiercé de cette spéciale Venezuela. Ensuite, on va continuer avec deux groupes vénézuéliens et un petit groupe bonus qui a très bien chanté le résumé de ce début d'année. On va continuer ensuite avec deux groupes qui sont constitués pour la plupart de Vénézuéliens qui sont en exil en Colombie. Voilà, c'est deux groupes dans lesquels joue Oski, qui joue aussi dans Unidad Ideológica. Voilà, c'est lui qui m'a conseillé ces groupes-là en m'expliquant actuellement, en fait, la plupart des groupes vénézuéliens, ils habitent en Colombie. Voilà, en gros, pour résumer. Gracias, Oski, para ayudarme, para este programito, te mando un abracito. On va s'écouter tout d'abord le groupe Trampa, qui nous ont sorti un Pesadilla en 2025, c'est sorti sur Fuerza Ingobernable. C'est des gens donc, qui habitent à Bogota, donc du Venezuela, là, principalement, mais il y a aussi des Colombiens dans ce groupe, toujours avec des paroles politisées. On va s'écouter des titres Domination et Basta, Trampa. Ensuite, le groupe Exilio. Voilà, ce qu'il me disait que c'est un des groupes où il a mis le plus sa rage dans tous les groupes qu'il a fait. Et il en fait beaucoup parce qu'on en a passé déjà plusieurs à l'émission. Exilio nous a sorti un LP, same title, en 2019. C'était sorti sur Lo Auto Meditamos. On va s'écouter deux titres, Lucha de Poder et Siempre a la Fuerza. Exilio. Ensuite, on va s'écouter un dernier titre de Exploited US. Et voilà le titre avec le refrain Fuck the USA, Fuck the USA. Vous le connaissez forcément. En tout cas, c'était un bon résumé de ce début d'année pour illustrer ce qui s'est passé au Venezuela. Je le fais encore à l'occasion de cette émission. Titre qui était tiré du LP Troops of Tomorrow, sorti en 1983. C'était sorti sur Secret Records. Je ne présente plus Exploited. Voilà, donc en tout cas, ils chantaient déjà sur les États-Unis pour leur dire d'aller se faire voir. Et voilà, c'est toujours le cas. Les États-Unis sont toujours en train de foutre la merde partout dans ce monde. Il est temps que ça s'arrête. On commence d'abord avec Trampa, Domination et Basta. Y vámonos. We'll be right back. Yeah. pendant les dents Exploited USA, juste avant on s'écoutait deux excellents titres Exilio, Lucha de Poder et Siempre a la Fuerza, encore avant on s'écoutait Trampa, Domination et Basta. Voilà, deux groupes avec des Vénézuéliens qui habitent en Colombie et qui sont exilés, qui ont été obligés de partir de chez eux à cause de la situation politique au Venezuela. Donc voilà, force à tous les Vénézuéliens, à tous les gens d'Amérique latine qui ont été obligés de partir pour des raisons similaires, pour une vie meilleure, en tout cas tous les gens de d'autres pays, de tout dans le monde quel que soit, qui ont été obligés de partir chez eux. Voilà, surtout en France, on a quand même la plupart des gens qui ont des grands-parents qui ont été obligés de partir de quelque part pour pouvoir vivre une vie meilleure. On est tous un peu métissés et voilà, je pense que on est tous concernés de toute manière qu'on ait vécu ça dans nos familles ou pas. Donc voilà, soutien énorme à tous les gens dans le monde qui sont oppressés. On continue avec un petit peu de détente cette fois-ci et ce sera aussi le dernier tiercé de l'émission. On va continuer encore avec des petites nouveautés et Asylum 343. Voilà, ça vient du Schnorr, c'est notre ami Adri, voilà, qui joue dans plein de groupes, vous l'avez forcément vu, vous l'avez forcément croisé, même des fois il est peint en vert et il raconte que des bêtises. Donc voilà, il s'est un peu ennuyé l'hiver dernier et du coup il a fait de la musique tout seul chez lui. Il nous a sorti 4 titres, Violence, Défiance et Dépendance, volume 1. C'est des titres avec une boîte à rythme et sa guitare, et il chante et il raconte des histoires probablement autobiographiques. Il raconte des histoires autobiographiques, on en a la preuve avec ce titre Course Poursuite de Asylum 343. Ensuite, on continue avec Chaos 808, cette fois-ci on va du côté de Montreuil. Et voilà, c'est deux ou trois titres qui sont sortis sur Bandcamp de ce groupe mixte avec une personne qui fait des boîtes à rythme et une autre personne qui vient du Pérou et du coup qui chante un peu en espagnol, un peu en français. Voilà, c'est le seul groupe où vous pourrez me faire écouter de l'autotune. On aura la preuve automatique, vraiment catchy, vraiment excellent. C'était sorti en 2024, j'ai passé ce titre parce que ils vont passer au Bisou Fest à Nantes. En tout cas voilà, c'est hyper cool et moi j'irai bien les voir. On continuera avec l'excellent Carigos, avec son projet solo, sa boîte à rythme, sa basse et sa voix lancinante. Si vous avez envie de rêver, je vous conseille d'aller la voir en concert. Elle joue pas mal à droite à gauche et puis vous pouvez l'écouter sur son Bandcamp. Elle a sorti deux titres l'année dernière sur ce qu'elle appelle Fair Play. Alors je sais pas si c'est sorti en physique ou pas, j'ai rien compris, mais bref. Des fois elle fait des petites cassettes ou des petites sorties en autoprod, donc n'hésitez pas à les choper à la fin de ses concerts. On va écouter un excellent titre, Foxy Carigos de Rennes. Voilà, c'est la fin de l'émission, je vous dis à très bientôt et cheers. Gauche, droite, toute ta passe vite, on sépare. sachant pas qui balance, nous on dit qu'on sait pas. Comme il a bouca, vu qu'on t'arrive au max. Mais ça dure pas longtemps, 5 minutes et grâce. Quand on se fait péter, on tente même pas la bagarre. On joue la négoce, mal de différents stages. On attend que ça passe, toute les soirées on se barre. Toi d'honneur au loin, je suis frisson trop la rage. Soirée balayette et béquille. Abandonné, je te laisse tranquille. Sinon tu connais la suite. On disait j'abandonne. Esquive le chien des anges qui veut se faire les chicots. On fout le tawa au bout, les rips à plein debout. Traumatise les parents, se fait sortir par le cou. Un autre tour, il fait chaud comme dans un four. On tape du